Chapitre 24. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous voyez tout cela. Je vous le déclare, en vérité, il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. » Jésus s'était assis sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'enfantement. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous fasse souffrir, et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Vous verrez celui qu'on appelle horreur et abomination, dont le prophète Daniel a parlé, placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne bien cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre pour prendre à l'intérieur des affaires à emporter. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour prendre son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la saison froide ou un jour de sabbat. Car en ce temps-là, la souffrance sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période-là, personne ne pourrait survivre. Mais il l'a abrégée à cause des hommes qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, « Regardez, le Messie est ici, ou bien il est là », ne le croyez pas. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils produiront de grands signes et des miracles pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Regardez, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la souffrance de ces jours-là, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux trembleront. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre côtés de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout du monde à l'autre. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je vous le déclare, en vérité, les gens actuellement vivants ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles, elles, ne disparaîtront jamais. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure. Pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, durant les jours qui précédèrent la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leur fille en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Deux femmes moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître a confié la charge de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour chez lui, trouvera occupé à ce travail. Je vous le déclare, en vérité, le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Mais ce sera un mauvais serviteur s'il se dit en lui-même « Mon maître tarde à revenir » et s'il se met à battre ses compagnons de service, à manger et boire avec des ivrognes. Alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents.